Ok, ok. Prédicat, c'est à toi que je m'adresse. De là-haut, tu vois vraiment qui je suis. Tu connais mon cœur, donc c'est pour toi qu'il faut que j'éclate ce beat. Général Che Gay. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. Ceci est un hommage pour mon para mort trop tôt sur les chemins de l'indépendance. Prédicat, que ton âme repose en paix. Général Che Gay, aka Che, un indépendant démissionne jamais. Malgré tous nos malheurs, on doit continuer à rire malgré les larmes et la douleur. Par à la vie n'est pas facile. Et quand nos proches retournent au ciel, il faut garder les pieds au sol. Mon Dieu, je demande juste un peu d'air car on est tous violés par la misère. C'est de la défaite que nos mères accouchent. Rêve offensive comme Prédicat, rêve d'oxygène. Grave ma musique dans l'infini. Ce monde ne sera jamais le même. On réalise avec ce qu'on a. Restons en vie grâce à nos voix. Mon cœur peut voir ce que mes yeux ne peuvent pas. Ma musique vibra même si mon cœur ne bat pas. Même si mon cœur ne bat plus. Vu que la vie tient qu'à un fil, nous sommes tous des funambules. On vit à la fois le jour et la nuit comme le frein vampire somnambule. Je rappelle ces anges, même ceux qui ont été déchus. Quand tu pars, tout le monde te pleure. Même ceux que t'as déçu, je suis en deçà de mes espérances. Stoïque dans l'errance, malgré toutes mes chances. Je consacre une naissance à ma famille, mon essence. Car de ma famille, je veux les anges. Je sais que là-haut, on a tous les mêmes aspects. Alors qu'en bas, la couleur des sous t'apporte le respect. Si aujourd'hui tu vis, il se peut que demain tu meurs. Mais qui quitte cette terre reste éternelle dans les cœurs. Hier tu vivais et aujourd'hui t'es mort. Peu triste, je ne suis qu'art de merveille. Et fais ton décor, ton âme a le plus beau de tous les abris. C'est un hommage pour Prédicat, un bonhomme brave et ambitieux. Courageux, j'espère te revoir dans les cieux. Voir tes yeux et ton sourire, t'étais toujours de bonne humeur. Et aujourd'hui tu nous quittes, t'étais droit, t'étais vrai. C'est pour ça que je te félicite. T'étais loin d'être un voyou de cité. Juste un mec posé qui fait son bis sans être excité. Si t'as quitté ce monde, c'est que c'était ton destin. C'est dur d'admettre que j'ai perdu l'un de mes plus proches cousins. Cousins, hein, la vie continue. On peut partir à n'importe quelle heure, à n'importe quelle minute. Paix à ton âme, Freddy. Dieu nous l'avait tous prédit. Partir un jour, loin d'ici, tout ça c'était écrit. On reste fort pour pas craquer comme des soldats. Dire qu'il y a un mois d'être en train de mixer lyrical soldat. Putain, merde, tu nous manques, man. Quand on venait poser chez toi dans ta petite planque, man. En grandissant, j'ai compris que la vie était faite de tristesse. La mort ne prévient pas, elle était écrite avant qu'on naisse. Tu nous manques, Freddy. Mais t'inquiète, on t'oublie pas. Un bosseur, un courageux, un homme qui baissait jamais les bras. Et je me rappellerai toujours des bons délires. Quand on venait au studio, t'avais toujours le sourire. Avec des caisses et ses branlettes, toujours des barres de rire. Et Freddy, on en garde de bons souvenirs. Aujourd'hui, t'es parti, on n'a même pas le temps de te dire au revoir. Je sais que tu reviendras plus, j'ai encore du mal à y croire. J'ai qu'il y a un mois, tu bossais avec nous. Tu nous parlais des projets, t'étais encore avec nous. Freddy Car, para, tu nous manques. Ta gentillesse, ta sincérité, ça nous manque. C'est vrai qu'ici sans toi, il y a un manque. FK pour toi, je fais couler mon encre. La vie est dure et chaque jour elle nous enlève un membre. Freddy Car pour ATK, on lui a retiré les jambes. Mais on m'a dit que c'était la vie, que c'était comme ça qu'il faut s'y faire. C'est dur à dire, Freddy, mais pour nous t'étais comme un grand frère. Ambitieux, un vrai bosseur, c'est comme ça que je te définis. J'ai croisé le dimanche, le soir et le mardi d'après, tout est fini. C'est comme ça, on m'a dit qu'on ne demeure pas éternellement. Et pour toi, Freddy, la RDG pose solennellement. Plus on la perd d'un homme et d'un frère.